voyage dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage sur l'eau sacrée d'un golfe indien. Voyage et jamais, jamais, jamais ne reviens. Regarde l'océan. jamais ne revient.